fait débrancher pour finir les mots croisés. La poussière à côté, ils ont pas l'air bien compliqués. Et ce putain de gamin, s'il veut pas la fermer, ce sera avec ma main que je lui goûterai sa raclée. Bien, raté, RER, j'ai pas mis du temps à faire. Bien, raté, RER, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sens pousser des ailes en regardant cette demoiselle. Je vais lui dire, viens, on danse. J'ai carrément toutes mes chances, mais je suis en train de taper et j'ai oublié de rater. Je vais lui faire rembarrer et repartir la tête baissée. Avec son gros chien et sa sœur, trop foncé, trop bourré. Si je lui parle, il va me croquer. Viens, raté, au RER, j'ai 20 minutes à rien faire. Viens, raté, au RER, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Si je sors au calme, je peux écrire un ou deux refrains. J'en ferai une chanson bien sûr avec qui attend son train. Et j'ai pas envie de me fatiguer. Et j'ai aucun talent, je ne serai jamais sur petit écran. Viens, raté, au RER, j'ai 20 minutes à rien faire. Viens, raté, au RER, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Allez, Tico, je me lève, je fais comme si c'était qu'un rêve. J'engage la discussion sur un sujet un peu mignon. Si ça marche super bien, j'y vendrai bien son 06. Mais pour créer ce lien, j'ai bien besoin d'un petit 6. Viens, raté, au RER, j'ai 20 minutes à rien faire. Viens, raté, au RER, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais faire une petite sieste pendant le temps qui me reste. Et veillez à ne pas rater mon RER qui est en train de passer. Hein? Quoi? C'est quoi ces conneries? Je m'étais juste assoupi. Mon RER en train de se barrer et moi comme un con. Sur le quai. Viens, raté, au RER.